place. Sigula chez le bois. Pas poli, hein, mais en amour. José Conofort. Bate la moana. Papa m'a dit quitte. Mais ça m'a dit qu'il y en a mis là. Mami, mami, mami. Oui, allô, amour. Non, non, non. Voilà le voici, le meilleur chorégraphe de Kinshasa. Sandrine, mais ça n'a plus de canaliani. Ah! C'est que les dollars. Vitamine, papa. Ah! Merci à tout le monde, c'était le tout puissant Kedias du grand maître l'homme au Manifier. Clara de Bruxelles. Maurice. Namama. Le Sega. Babiumba, t'as un beau marché quoi. Toujours, toujours. Didier Modizo. Rambo Maciala. monye suyo Lugane poisson omena Loko lo tonda bomengo Somba peni wate Yo, yo, yo, yo, yo. Kaini. Gisha, Fonzi, Whitney, Ketia. Yeah.

Thank you.

Mm-hmm.